Les éditions de l'avenir présentent La variété adénique, un texte inédit de Mario Fecteau. Tu es belle. Tu es belle et je t'aime. Non, attends. Laisse-moi exprimer ce que je ressens en ta présence. Permets-le-moi, à présent que j'ai trouvé le courage de te confier mes sentiments. Ah, voilà, j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire. Ah oui. Je voulais te dire que je ressens quelque chose de vraiment profond pour toi. Que je n'ai jamais ressenti quoi que ce soit de semblable pour aucune fille avant toi. Je ne crois pas au destin, sans quoi j'affirmerais que je t'étais destiné. Et je me prendrais à rêver que toi aussi, tu m'étais destiné. Il n'y a pas de destin sans quoi tu serais peut-être inaccessible, et je me contenterais de souffrir en silence dans mon coin. Tu te souviens de la première fois où nous nous sommes parlé? Tu n'étais au refuge que depuis peu, le premier rayon de soleil de cette prison. Tu m'avais parlé gentiment, poliment. Et bien que ce que tu es fasse de toi ma supérieure, tu n'as jamais eu cet air condescendant qu'ont les autres envers moi. Tu n'as jamais montré le moindre mépris par la suite, ni de pitié. Et de cela, je te suis reconnaissant. Pourquoi d'ailleurs, étant donné ce que je suis, ne suis-je pas un rebut du passé, un vestige de ce qui a déjà été et qui ne sera plus jamais? Ne suis-je pas une sorte de dinosaure, un phénomène de musée? Parfois, je songe à quel point je suis indigne de ton amitié et je pense à en finir. À quoi sert la souffrance? Elle n'ouvre certainement pas les portes d'un monde meilleur ailleurs. Elle ne peut mener qu'à une spirale plongeante, une spirale vers le néant. C'est l'espoir de ce jour qui m'a jusqu'à présent maintenu en vie. Ce jour où, enfin, je trouverai le courage de te parler. J'ai tellement craint et espéré ce jour tout à la fois. J'ai peur à présent. Mon pauvre ami, mon cher ami, comme je déplore que tu m'aies avoué ce que je devinais, tout en redoutant que ce soit exact. Comme je déplore ta souffrance, car tu m'as placé sur un si haut piédestal. Immérité, car tu m'as beaucoup trop idéalisé. Je suis différente, dis-tu? Et c'est vrai, car j'ai été conçue ainsi. Je suis belle, et je le sais, mais ça aussi c'était voulu. Ne suis-je pas la femme parfaite, l'idéal humain de la beauté féminine, celle qui fait rêver tous les hommes? Je resterai belle longtemps, jusqu'à un âge avancé. Mais je ne suis pas celle que tu crois. Comment peux-tu penser que je te suis supérieure alors que c'est en fait le contraire? Pense à ce qui t'a fait, à ce qui t'a permis d'exister, au long processus de l'évolution. En réalité, moi aussi j'ai de l'admiration pour toi, pour ce que tu es. Moi, je ne suis qu'une Adénienne. Ces paroles t'étonnent? Tu sais pourtant comment je suis née? Tu connais l'histoire des Mies, des Adéniers? Une histoire qui a commencé il y a plus d'un siècle, alors que l'homme posait pour la première fois le pied sur la Lune. Il ne voyageait pas à l'aveuglette, mais avait un ordinateur primitif pour les aider, pour les servir. Et déjà, en cette fin de siècle que vous avez numéroté le 20e, les auteurs de science-fiction racontaient des histoires extravagantes d'ordinateurs devenant de plus en plus intelligents, qui prenaient l'avantage sur les humains, qui prenaient leur place. Puis est apparu le microprocesseur, qui a donné naissance aux jeux vidéo et à l'ordinateur personnel, que chacun pouvait avoir chez soi. Et au fil des ans, les ordinateurs devenaient de plus en plus performants. Les microprocesseurs aussi, passant d'une trentaine de mégahertz aux gigahertz au tournant du millénaire. Certains avaient la conviction que les ordinateurs supplanteraient un jour l'homme. Mais ce n'était que des machines à calculer. Et puis d'ailleurs, dès 2004, ils commencèrent à atteindre les limites de leurs capacités. La miniaturisation ne pouvait dépasser un certain point, les circuits gravés dans le silicone, trop rapprochés les uns des autres, entraînant une confusion dans les signaux électriques. Et pourtant, la solution existait. Elle avait en fait vu le jour 6 ans plus tôt, lorsqu'un chercheur avait découvert que des molécules d'ADN possédaient des capacités semi-conductrices. Compte tenu de leur petite taille, il devenait alors possible de concevoir des circuits encore plus petits et donc des microprocesseurs encore plus performants. En l'espace de 15 ans, le silicone a fait ses adieux pour rejoindre la lampe à incandescence et le transistor sur les tablettes des musées. La miniaturisation s'est poursuivie et la complexité des tâches que pouvaient accomplir les ordinateurs s'est sans cesse accrue. Et puis, les ordinateurs ont cessé d'être de simples boîtes avec un écran et un clavier. Déjà, vers 2020, il n'était plus besoin de clavier car l'ordinateur arrivait à comprendre son propriétaire. Il pouvait même converser avec diverses personnes à partir de 2025. Mais ce n'était qu'un début, car l'ordinateur s'est mis à acquérir des appendices lui permettant d'accomplir de plus en plus de tâches. En 2046, apparut le premier robot assez intelligent pour vivre en société. Contrairement au scénario pessimiste des fictions du 20e siècle, les gens ne les ont pas accueillis avec méfiance ni n'ont redouté que ces engins se rebellent contre eux. Ils n'ont pas hésité à leur confier leur vie et celle de leurs enfants. L'homme avait confiance en sa créature. D'une certaine façon, il avait tort, tu le sais aujourd'hui. Il n'y a jamais eu de rébellion et très peu de morts en raison de défaillances de programmation. Mais dès l'apparition des robots, l'humanité était condamnée, comme les Néandertals à l'arrivée du Cro-Magnon. Et tout ceci n'était qu'un début. Car la génétique aussi avait fait des progrès. Et vers 2075, les ordinateurs, devenus robots puis androïdes, ont vraiment pris forme humaine. Cette fois, la pensée informatique n'était pas insérée dans des circuits à l'intérieur d'un corps métallique, qu'il soit ou non recouvert d'une peau artificielle le faisant ressembler à un humain. Désormais, le robot avait un métabolisme biologique, conçu en laboratoire, sans les imperfections de la nature. Les ordinateurs n'étaient plus des machines, ils étaient des êtres vivants. C'était le début de la fusion entre les humains, des humains comme toi, et leur création, des créations telles que moi. Tu vois, je ne te suis pas supérieur. Tu descends du singe, moi, du robot. Tu es un produit, le résultat d'une évolution. Moi aussi. Et moi aussi, j'appartiens au passé. Tu appartiens au passé, dis-tu, et pourtant, tu représentes le summum de la création cybernétique. Il n'a fallu qu'un siècle pour que tu apparaisses contre des milliers pour un être tel que moi. Je n'ai pas, loin de là, la perfection physique, ni mentale. Tu as été créé, je veux bien. Mais l'agencement de tes gènes ne te donne que des prédispositions. C'est ce que tu as choisi d'en faire qui fait de toi un être unique. Tu as reçu une programmation de base, mais tu as évolué. Tu t'es créé une personnalité. Et c'est cela, en fin de compte, qui fait de toi la femme que tu es. Moi, simple humain, j'admire ta perfection physique, mais aussi, et peut-être surtout, ta personnalité. Je vis ici, à l'intérieur de ces murs, depuis trop longtemps. Je ne vois rien du monde extérieur. Et j'imagine sans peine que d'autres hommes t'ont admiré, d'autres femmes t'ont jalousé. Je ne suis pas parfait, mais je t'aime. Je voulais que tu le saches, je voulais que tu comprennes. Pardonne-moi. J'espère que ces épanchements d'émotions ne te rebutent pas trop. Pardonne-moi. Viens, je vais te montrer. Elle le conduisit à travers un corridor, jusqu'à la porte, jusqu'à la sortie. Pour la première fois depuis des années, il sortirait du refuge. Pour la première fois depuis tout ce temps, il verrait le monde. Ce monde que ses semblables avaient presque détruit et que les Adéniens avaient sauvé. Ce monde qu'il n'avait pas vu depuis l'âge de 5 ans. Ce monde qu'il n'avait pas vu depuis si longtemps qu'il ne se rappelait plus pourquoi. Et peu lui importait aujourd'hui. Aujourd'hui, il sortirait. Et il ne le verrait pas seul. Il s'était senti perdu et elle s'était occupée de lui parce qu'il n'y avait personne de leur âge dans le refuge. Personne d'aussi jeune. À la réflexion, il paraissait inévitable qu'il tombe amoureux d'elle. Et il avait enfin osé le lui dire. Et elle n'avait pas ri de lui, ni ne s'était détournée. Peut-être pour la même raison, osait-il espérer. Il s'étonna de ne voir aucune porte grillagée, ni aucun garde, ni aucune barrière de sécurité. Comme si le refuge n'avait pas été une prison et que n'importe qui aurait pu en sortir à n'importe quel moment. Ils se glissèrent dans un véhicule ovoïde, blanc et bleu. Et ils roulèrent. Il regardait la ville et elle lui racontait ce qu'étaient tous ces bâtiments. Il expliqua ce que fabriquaient les véhicules qui roulaient ou volaient entre les immeubles. Et au fur et à mesure qu'il racontait, lui sentait croître son émerveillement. Et au fur et à mesure qu'elle parlait, il se demandait pourquoi elle disait appartenir aussi au passé. Car c'était les siens. Les Adéniens qui avaient construit tout cela. Puis, ils arrivèrent à un vaste immeuble et le véhicule s'y engouffra. Elle l'invita à descendre. C'était un vaste entrepôt. Partout, à l'intérieur, il y avait des machines. Certaines avec des roues, d'autres n'étaient que de grands blocs avec des antennes. Certaines semblaient simplement attendre pour reprendre leurs activités, d'autres étaient dans un état si lamentable qu'ils n'auraient même pas su dire quelles avaient été leurs fonctions. Toutes étaient immobiles, arrêtées. Vois-tu, l'homme a toujours cherché à faciliter son existence. Il a confectionné des outils pour rendre son labeur plus efficace, puis des machines capables de surpasser sa force physique. Mais il devait encore conduire ces machines. Il ne s'était libéré de sa dépendance qu'au prix de la création d'une nouvelle dépendance. Alors, il a cherché à s'épargner les efforts de réflexion en créant des machines capables de penser, les ordinateurs. Ainsi, des machines, et non plus des hommes, conduisaient les machines de la première génération. Ce fut la deuxième étape. Et puis, il y a moi, une Adénienne, conçue en laboratoire à l'image de l'homme pour conduire les machines à la place des ordinateurs. Ainsi, l'homme n'a plus à penser à un moyen de se faciliter l'existence, nous pensons à sa place. Voilà ce qui l'a vraiment condamné. Ce fut la troisième étape, mais pas la dernière, non, pas la dernière. Elle le conduisit ensuite vers la pièce suivante. Ce qu'il y découvrit le sidéra. Et il comprit. Car la quatrième étape, c'est nous qui l'avons instaurée. Nous, les Adéniers. Tu la vois ici, devant toi, en pleine action. Tu comprends à présent pourquoi je disais appartenir aussi au passé. Et je sais que tu me crois désormais. Il regardait, incapable de détacher son regard de toutes les machines qui roulaient, qui tournaient, qui se soulevaient, qui vivaient, car elles étaient vivantes, tout ce qu'il y a de vivante. Et il comprenait la nature de cette quatrième étape qu'elle avait mentionnée. De cette étape qui ne devait rien à l'humanité et qui prouvait que les Adéniens avaient commis la même erreur que les hommes. La première étape avait été de concevoir des machines remplaçant l'effort physique. La deuxième, des machines capables de piloter la première. La troisième, des êtres vivants, biologiques, capables de concevoir et de fabriquer les deux premières catégories. La quatrième étape avait été celle de la fusion. La fusion entre le biologique et le mécanique. Des êtres mi-adéniens, mi-machines. Là, il voyait une chaîne d'assemblage adénienne. Là, une empaqueteuse adénienne. Là, un monte-charge adénien. Et c'était le même spectacle partout. Un camion de transport adénien, une moissonneuse-batteuse adénienne, un marteau-piqueur adénien, un chariot-élévateur adénien, partout, partout, des machines adéniennes vivantes fabriquant d'autres machines adéniennes. C'était fou. Et il comprenait à présent pourquoi elle disait appartenir aussi au passé. Ils reprirent la route du refuge où vivaient les derniers humains sapiens et les derniers Adéniens. Ils firent le voyage en silence, car aucun mot ne semblait plus nécessaire. Lui ne regarda plus les bâtiments, ni les véhicules qui volaient en tous sens entre les parois de verre et d'acier, véhicules qui étaient vivants, eux aussi. Il ne pensait plus qu'au refuge qu'il regagnerait dans quelques minutes, sans aucun doute, pour le reste de leur vie. Quant à elle, son visage reflétait un curieux mélange de tristesse et de soulagement. Elle lui avait fait comprendre pourquoi il vivait dans le refuge, le dernier endroit réservé aux humains. Il n'y était pas prisonnier, il n'avait simplement plus d'endroit où aller. Il comprenait aussi pourquoi les siens vivaient avec eux. Car il n'y avait plus de place non plus sur Terre pour eux. Un jour, sans doute, les machines adéniennes estimeraient le temps venu de raser le refuge pour récupérer l'espace et construire quelque chose qui serve leur propre dessein. Un jour, elles ne verraient plus en leur créateur, leur Dieu. Mais ce jour-là, les derniers humains s'éteindraient, qu'ils soient sapiens ou adénensis. Ils descendirent du véhicule, adéniens comme tous les autres, et marchèrent vers le refuge. À présent, elle lui tenait la main, et ce geste qui, une heure plus tôt encore, l'aurait comblé de joie, lui sembla presque terne. Sur le pas de la porte, elle s'arrêta et se tourna vers lui. Elle lui prit les deux mains et le regarda, un sourire triste sur les lèvres. Et elle prononça les paroles qu'il avait toujours rêvé d'entendre et qui n'avait plus de sens désormais. Je t'aime, moi aussi. Et elle l'embrassa sur les lèvres et elle se serra contre lui. La porte du refuge se referma derrière eux. Thank you.

just like a weary river that keeps winding endlessly. Fate has been a very cheerful giver to most everyone but me. Oh, how long it took me to learn. Hope is strong and tight have to turn. And now I know that every weary river someday meets the sea. Thank you.